Minuit sonne, les aiguilles tournent en or massif. Rolex au poignet, mon flow devient agressif. La rue m'appelle, son écho est expansif. Temps, monnaie, chaque seconde est lucrative. Rolex, tic-tac, la vibe est rapide. Chaque battement, un coup d'éclat limpide. DJ Ludo sur la platine, il décide. Dans la nuit, on brille nos villes liquides. Chronographe précis, les secondes se clashent. Rue de Paris, on glisse entre le flash. Rapide comme l'éclair, le luxe dans la tâche. Le passé s'efface, seul l'avenir s'entache. Diamant sur le cadran, étoile dans la nuit. Chaque mouvement de l'aiguille nous éblouit. Un battement de cœur et le monde s'assouplit. Ludo au platine, le temps s'épanouit. Rolex brille, reflet dans la scène. La capitale danse, les rues se déchaînent. Chaque bar un chapitre, chaque rime une rengaine. Rap rapide, Rolex, les chaînes se démènent. Rolex, tic-tac, la vibe est rapide. Chaque battement, un coup d'éclat limpide. DJ Ludo sur la platine, il décide. Dans la nuit, on brille nos villes liquides. Sur la platine, il décide. Dans la nuit, on brille nos vies.